Yeah. même pareil, moi. Go. Oh, ouais. Go. Bien habillé. On va faire une reprise des Buzzcocks et en fait on connaît pas très bien les paroles, alors on va faire comme si c'était les vrais. Quelle est cette chanson? Non. Non. So